Chapitre 15e, l'étrange valet de chambre. Paulin Broquet ne sourcilla pas, comme il ne sourit pas non plus quand Hayamaki, non sans un léger tremblement dans la voix, prononça le nom de Zygomar. Formidable athlète, lui-même, il savait qu'il ne faut jamais mépriser son adversaire. Ayant déjà bien souvent combattu Zygomar, il connaissait mieux que personne sa puissance, sa force redoutable. Que le pouvoir de Zygomar s'étendit jusqu'ici, jusque même dans les méandres de la Chinatown, cela n'était pas pour le surprendre, l'étonner. Bien qu'il n'en eût encore que le soupçon quand il l'aperçut, lui, sur l'escalier de la maison de Fuzi, cette sorte de confirmation que lui apportait maintenant, sans s'en douter, le japonais, lui causait quand même une forte impression. Mais rien, cependant, ne pouvait l'arrêter dans une décision, ni modifier sa volonté quand il croyait agir pour le bien. « Allons, se dit-il, je croyais que la lutte contre cet homme était terminée. Je vois que non, elle ne recommence pas, elle ne s'est pas arrêtée, elle continue. » Il lui suffisait maintenant de savoir que son japonais, que Hayamaki, sur le dévouement duquel il croyait absolument pouvoir compter, pouvait le piloter dans la mystérieuse ville chinoise. Qu'on le guidât seulement, du reste, il s'en chargeait. Il ne demanda rien de plus au japonais et ne lui donna pas d'autre explication. Hayamaki pouvait donc croire qu'il ne s'agissait pour Paulin Broquet que d'une simple curiosité comme la ville chinoise en suscite chez les Américains parfois, mais principalement chez les Européens, toujours fervent des problèmes et des mystères du Nouveau Monde, comme si l'ancien, tout aussi inconnu d'eux, n'en recelait pas suffisamment pour exercer largement leur sagacité. Dès le jour même, Paulin Broquet se mit en rapport avec ceux qui se trouvaient en mesure de le renseigner sur l'homme se faisant appeler ici le comte de Saint-Rion. Ce qu'il parvint à prendre alors le troubla beaucoup plus qu'il ne le prévoyait. Il s'attendait à quelques mensonges, à de la fraude, à des machinations sans nombre, et il se vit en face de la vie la plus claire, la plus simple qu'il fût donné à un homme de vivre. Aucune supercherie, la vérité même. La famille du comte de Saint-Rion comptait des membres venus avec Lafayette et Rochambeau en Amérique et qui s'y étaient fixés, étaient devenus, comme beaucoup de Français, de purs Américains. À la Révolution, d'autres membres de la famille de Saint-Rion avaient demandé refuge au sol américain. Les Saint-Rion, sous leurs noms divers, qui, américanisés, se déformaient, devenaient méconnaissables, avaient donc fondé une petite colonie de Français devenus Américains, loyaux et courageux, et conquis avec l'estime générale une belle situation dans le monde industriel et financier. Aussi, quand Armand de Saint-Rion demanda à ses parents du Nouveau Monde de vouloir bien l'accueillir pour lui donner le moyen de se créer parmi eux une situation lui permettant de faire venir Madeleine, sa femme, fut-il le bienvenu chez un de ses oncles qui n'avait ni fils ni neveu chez lui et pas d'ingénieur, selon ses idées, dans ses bureaux. Armand, naturellement, fut mis à l'épreuve et dut subir les brimades qui attendent tout étranger voulant s'implanter dans un pays. Il lui fallut vraiment gagner son acceptation et parmi ses chefs de service et parmi les jeunes ingénieurs qu'il allait diriger et parmi les ouvriers qui eussent préféré aux Français un Américain. Mais Armand, avec bonne grâce, sut supporter les brimades, déjouer en riant les tours de malice préparés, comme il l'avait fait au lycée, nouvel élève, à l'école dans sa première année, au régiment lors de son premier galon. Les ouvriers ne tardèrent pas à l'aimer, ayant reconnu son bon caractère, sa vaillance, et vu, preuve à l'appui, qu'il était aussi fort que le plus fort des ingénieurs américains. Armand fit donc partie de cette sorte de grande famille que forme une exploitation de ce genre, une mine, une usine. Son parent, peu à peu, se déchargea sur lui des soucis de son affaire et lui en remit la direction effective. Armand de Saint-Rion se fit donc bientôt une situation des plus enviables, même au pays des milliardaires. Il put respirer un peu, songer à son bonheur, à sa chère Madeleine, à sa Paulette, pour qui il avait tant travaillé. Dans l'intervalle, il avait un jour reçu une visite bizarre qui le surprit étrangement, celle d'un homme jeune encore, ayant à peu près son âge à lui, et fait singulier, offrant avec lui une certaine ressemblance. Cet homme, qui voulait être appelé seulement Alexandre, avait été au régiment sous les ordres d'Armand de Saint-Rion. C'était un garçon remarquablement intelligent, hardi, très instruit, d'une force peu commune, mais d'un manque absolu de scrupules et de conduite. par bonté d'âme, Armand, qu'il avait tiré plusieurs fois de mauvais pas, s'était attaché à lui et essayait de le ramener dans le droit chemin. Alexandre, de son côté, manifestait pour Armand une profonde reconnaissance, un grand dévouement. Puis Alexandre disparut. Que devint-il ? Armand ne le sut jamais et eut au demeurant la délicatesse de ne pas le lui demander. Maintenant, il revenait le trouver en Amérique après certainement de nombreux avatars. Il implorait l'assistance de son ancien chef. Armand l'accueillit en frère d'armes et voulut lui donner un emploi dans l'usine. Alexandre lui fit entendre qu'il préférait tenir auprès de lui la place qui convenait le mieux à son tempérament, à ses goûts, à ses aptitudes. Il lui demanda de le prendre comme valet de chambre. Armand dut céder à cette demande. Seulement, en souvenir du régiment et parce que français à l'étranger, il ne prit pas seulement cet Alexandre comme simple valet de chambre, il en fit en quelque sorte son secrétaire et l'eut bientôt comme confident. Alexandre, très intelligent et admirablement doué, comprenait et s'assimilait si bien toutes les questions que parfois, en riant, Armand lui disait « Mais tu pourrais presque tenir aussi bien que moi ma place à l'usine. » Il n'eut enfin plus de secret pour lui. Heureux d'avoir quelqu'un, un Français, avec qui parler de la France, il mit Alexandre au courant de son mariage avec Madeleine. Il lui lisait les lettres qu'il recevait de la tilleuse. Bref, ne pouvant lui-même venir encore en France, ce fut Alexandre qui l'expédia à la tilleuse à la naissance de Paulette. Les années passèrent. Armand eut enfin le loisir de venir en France, et nous savons quel dramatique événement l'attendait sur la route de la tilleuse. Ce que prépara le fidèle Alexandre, Cloutot, en compagnie de l'illustre Perpignan dit « Bouche-en-cœur ». Cependant, bien que Cloutot, bien que Zigomar, eût tout réglé dans cette tragédie, les événements ne marchèrent pas absolument comme le maître invisible l'espérait. Bouche-en-cœur se trouvait maintenant en prison. Oh, de cela, Cloutot à son habitude ne se souciait guère. Mais la belle bourbonnaise, cette ineffable Zélie, avait disparu. Et avec elle Paulette, la fille de Madeleine, sur la tête de qui reposaient tous les millions de l'héritage. Ici, le fameux Zigomar devait trouver de grandes difficultés. Et quand, après l'incendie de la tilleuse, il avait crié « Maintenant que le comte de Saint-Rion est bien mort, vive le comte de Saint-Rion bien vivant. À moi les millions de Madeleine, à Zigomar les millions. » Cloutot avait prononcé des paroles imprudentes, et comme dit le bon fabuliste, vendu trop tôt la peau de l'ours. Entre les millions de Madeleine et les mains de Zigomar, se dressait froid, implacable, le bon juge du Ranton.